paraît que je suis un tueur, donc je plaide coupable. Et toi, t'es un vrai rappeur ou t'es une boutade? Ne me fais pas de pied pour un feat idiot. Je me branle sur mes propres sons pour stimuler ma libido. Dans le rap, y'a plus rien à crailler. Bienvenue sur Koh-Lanta. J'ai vu dans cette tête d'affiche faire la queue chez Pôle emploi. Non, c'est attristant mais à la fois marrant. À ta place, je mettrai les voiles même sans mon catamaran. Je m'éclate quand tu peines à lâcher les faces crédibles. T'as la rime téléphonée sans jamais n'avoir crédit. Merde, teste si tu peux, sinon drapeau blanc. Moi, je rappe en fumant les prods, toi en les crapotant. On n'a plus besoin de vous, on s'organise comme des grands. Monsieur impeccable, aka Black Brut, vente de camp. Plus la pression monte, plus ton calbut baisse. Rafale de punchline, et je vise toujours l'appui-tête. J'entre en guerre avec de vraies armes. Mon flow, ma voix, mon charisme. Mes punchlines, mes banlieusards et mes blédards. La mélodie du pétard. Tueur à gage, retiens le place, fils de pétasse. Black Brut. J'entre en guerre avec de vraies armes. Mon flow, ma voix, mon charisme. Mes punchlines, mes banlieusards et mes blédards. La mélodie du pétard. Tueur à gage, retiens le place, fils de pétasse. Black Brut. Bientôt le 25 décembre, commande tes phases, c'est Noël, papa. Tes punchlines sont démodés comme les survêtes, capa. Bah les pattes, imbécile, bientôt j'envoie le missile. Narcissique, Black Brut, volontaire et l'homicide. La tête sur les épaules, ouais. C'est pas mon rap qui remplit le frigidaire. Si je compte là-dessus, je finirai sûrement suicidaire, ouais. Marco Dingue et D.I.N. m'aident à tenir le coup. Monsieur X et Monsieur Cru m'aident à tenir le pompe. Congé sans solde, je me consacre à cette merde. Mental de winner comme Raymond, y'en a assez de perdre. Sinon à part ça, j'ai la pêche, non, c'est pas la hesse. Aime de lait, je m'en sors bien, regarde un peu ma caisse. Revenons à nos moutons, man. Le rap game, aka la partouche de mythoman. N'est pas encore au courant de ce que je lui prépare. Un sacré feu d'artifice, la mélodie du pétard. J'entre en guerre avec de vraies armes. Mon flow, ma voix, mon charisme. Mes punchlines, mes banlieusards et mes blédards. La mélodie du pétard. Tueur à gage, retiens le place, fils de pétasse. Black Brut. J'entre en guerre avec de vraies armes. Mon flow, ma voix, mon charisme. Mes punchlines, mes banlieusards et mes blédards. La mélodie du pétard. Tueur à gage, retiens le place, fils de pétasse. Black Brut. J'entre en guerre avec de vraies armes. Mon flow, ma voix, mon charisme. Mes punchlines, mes banlieusards et mes blédards. La mélodie du pétard. Tueur à gage, retiens le place, fils de pétasse. Black Brut. J'entre en guerre avec de vraies armes. Mon flow, ma voix, mon charisme. Mes punchlines, mes banlieusards et mes blédards. La mélodie du pétard. Tueur à gage, retiens le place, fils de pétasse. Black Brut.